随着老歌一起隔离了马山，但那微松无的梦，让他离骚美被吹走的烟。Je suis cavalier solitaire. Ah, j'oublie de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le bleu du ciel. Souvenir.De victoire en Espagne, c'est l'esquisse d'un voleur. Fausse route, j'en ai peur. Et je marche à petits pas. Je suis un danseur de Java.Donne-le tout, nier ma tête seconde. Tiens-moi nostalgie, je retombe. Ah, j'oubliais de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le gris du ciel.De victoire en Espagne, c'est l'esquisse d'un voleur. Fausse route, j'en ai peur. Et je marche à petits pas, comme un danseur de Java. Et je marche à petits pas, je suis un danseur de Java.Je marche à petits pas comme un danseur de Java.